Chapitre 2e. Si les dilettanti de Bassano eussent regardé de près l'homme à qui il faisait pareille fête, ils eussent été plus disposés à le plaindre qu'à le féliciter. Atteint depuis 18 mois du mal secret qui devait le consumer avant l'âge, Paganini commençait à passer à cet état de squelette qui le rendait si effrayant sur ces dernières années. De maigre et sombre qu'elle était naguère, sa figure devenait blême et décharnée. Une transparence étrange remplaçait la vigueur mate de son teint. L'éclat de ses yeux profonds s'amollissait comme la lueur d'une lampe qui va s'éteindre. Ses mouvements, autrefois si nerveux et si saccadés, prenaient une sorte de langueur indolente. Tous les angles aigus de son visage et de sa taille semblaient s'arrondir dans un affaissement général. Il était presque beau, sans cesser d'être terrible. Il ressemblait moins au Satan de Michel-Ange et davantage à la mélancolie d'Albert Dürer. C'est que ces deux passions dévorantes s'unissaient à la phthisie pour achever le malheureux. Tout le monde connaît la première, qui n'était autre que l'avarice. La seconde était un amour insensé pour la signora Monti. Paganini n'avait jamais parlé à cette femme, mais depuis 6 ans, il la voyait à tous ses concerts. Qu'il joue à Paris, à Londres, à Naples, à Vienne ou à Saint-Pétersbourg. La première figure qu'il apercevait au milieu de ses innombrables auditeurs était la belle figure de la Gioconda, toute silencieuse et toute pâle d'émotion. Avec ce regard d'aigle que les acteurs, maîtres d'eux-mêmes, savent plonger dans les moindres recoins de la plus vaste salle, entre la limite enflammée de la rampe et les flamboyantes girandoles du lustre, le virtuose ne manquait jamais de reconnaître la noble dame et pour lui comme pour elle, s'opérait aussitôt le plus étrange phénomène. Les groupes de spectateurs devenaient une sorte de nuage, les applaudissements un vain bruit, le théâtre un salon. Et l'artiste ne voyait plus que la signora n'entendait plus que l'artiste. Alors c'était entre l'un et l'autre un échange rapide et insaisissable d'inspirations sublimes et de félicitations passionnées. Incliné sur son instrument, le virtuose ne perdait pas un geste. Penché sur le bord de sa loge, la dilettante ne perdait pas un son. Et toutes les fois que celui-là se surpassait par un coup d'archet, celle-ci prévenait les applaudissements universels. Tantôt elle témoignait sa satisfaction par de gracieux hochements de tête, ou son admiration par des tressaillements invincibles. Tantôt la violence ou la douceur de ses émotions se faisait reconnaître aux mouvements plus ou moins précipités de sa poitrine, dont celle de l'artiste semblait recevoir le contre-coup. Tantôt il se sentait avec orgueil contemplé par elle des hauteurs de l'extase à travers le voile flottant de la rêverie. Il exécutait en ce moment quelques passages mélancoliques, et les lueurs humides où se noyaient ses yeux se reflétaient dans le regard attendri de la signora. Quand son jeu redoublait d'ardeur et d'énergie, il la voyait multiplier aussi les manifestations de sa joie. Et lorsqu'il arrivait enfin à ce moment prodigieux où son violon tenait à la fois du ciel et de l'enfer, elle pâlissait et frémissait de terreur ou de ravissement. Sa main se portait tour à tour à son cœur pour en comprimer l'essor et à ses yeux pour en essuyer les larmes. Des battements convulsifs, des soupirs et des cris inarticulés lui échappaient involontairement et le dernier coup d'archet lui arrachait un bravo qui dominait toutes les clameurs de la salle. La donna Monti se retirait pensive et palpitante, et Paganini expiait son triomphe par un évanouissement. Or, un tel artiste ne devait-il pas aimer une telle femme, et s'en croire aimé? Paganini vécut de cet espoir jusqu'au jour où la Gioconda manqua au rendez-vous. Trouvant dès lors le monde entier dépeuplé par cette absence, et sa passion absorbant toutes ses facultés, il fit le serment de ne plus jouer pour personne. Scella sur son violon la sourdine inexorable et se mit à la recherche de la signora Monti. Entre autres fantaisies, la noble dame avait celle de s'éclipser pendant des années entières, de sorte qu'avant de retrouver sa trace, Paganini courut toute l'Europe. Ses voyages avaient épuisé ses dernières forces lorsqu'il apprit enfin le retour de la Gioconda en Italie. Il se remit aussitôt à sa poursuite et il entra en même temps qu'elle à Bassano. Le projet de Paganini était de rester inconnu à toute la ville, excepté à la donna Monti, chez laquelle il voulait se présenter à l'improviste, sans autre recommandation que son amour. on a vu comment une partie de ce projet fut déjouée par la reconnaissance du comte Alberto, et comment le virtuose se trouva consolé par l'hospitalité du Seigneur. Cette hospitalité eût été moins empressée peut-être, de la part de celui qui l'offrait, s'il n'eût pas attribué au hasard la coïncidence de l'arrivée de l'artiste et de celle de la signora. Mais à coup sûr, elle eût médiocrement flatté celui qui l'acceptait. S'il eût vu de quel air le comte était allé au-devant de la Gioconda, et s'il eût su que lui aussi venait d'arriver à Bassano, après une disparition de plusieurs mois. Mais ignorant nécessairement cette double circonstance, Paganini accorda toute sa confiance à son hôte, et lorsqu'après un grand dîner improvisé en son honneur, celui-ci se mit à sa disposition pour la soirée, il lui avoua en le remerciant qu'une affaire de cœur le réclamait en ville. « Soyez donc libre, mon cher maestro, » repartit le comte, et lui rendant confidence pour confidence, « je me consolerai d'autant mieux de votre absence, » ajouta-t-il gaiement, « que moi aussi je vais chez la dame de mes pensées. » Ayant parlé ainsi, tous deux se pressèrent en souriant la main, et une demi-heure après, deux visiteurs entraient chez la Gioconda sur les pas l'un de l'autre. « Il signor Alberto Nota, il maestro Niccolò Paganini, » dit le valet de chambre, en les annonçant en même temps. Et tous deux s'arrêtaient immobiles sur le seuil de la porte, se mesurant comme deux jouteurs qui relèvent leur visière. Ainsi les amis se trouvaient être des rivaux, les hôtes des ennemis, et les confidents s'étaient mystifiés le mieux du monde. Inutile de dire leurs sentiments pendant cette mutuelle reconnaissance. Il suffira de savoir que ceux du comte s'exprimèrent par un charmant éclat de rire, et ceux du maestro par un regard sombre et farouche. Le premier coupa court à cette scène inexplicable, en présentant courtoisement le second à la signora stupéfaite, et chacun s'installa près d'elle avec cette idée fixe, éloignée au plus tôt son rival, et restait maître du champ de bataille.